pas vrai, mec. Qu'est-ce qui fait chaud? Putain, je peux plus, moi. Ouais. T'es pété, hein, dis-moi. Mais non, du con, je m'en suis fait deux. De quoi? Deux bouteilles de Hatz, ma poule. T'es vraiment pété, négro. Vache. Ouais, ben moi, je suis naze. Allez, descendez de cette bagnole, les deux négros. On vous dit de descendre. Bouge-toi les fesses, négro. Bouge-toi les fesses. Merde, quelle merde. Alors, faut vous dire, sors ton putain de gros les culs de cette bagnole. Ok, cool, négro. Ken, descend de la bagnole. Je vais pas jouer au con. Me bouge pas à bout, négro. Sors ton sale cul de cette tire. Allez, allez, sors. D'accord. Descends, sors. D'accord, négro, je vais. Merde. C'est quoi, ces négros, je te fais alors? T'as plus qu'à descendre de cette putain de bagnole. Bouge ton cul. Allez, descends-le, junior. Et puis, merde. Balais pour mes 18 balais, je reste étalé. Gagné dans le quartier, normal comme si je tringlais. Y'a pas plus de spi que les mecs d'esprit. De spi, je les tais. Mais à plus de spi, Mélanie. La vie infime, le checker, les lieux d'un crime. Moi la victime, pourtant avec ma team. Les ex, mon IRI. Prochaine pour dead, encore moins criblé de balles. Pourquoi pour crier à l'aide? Garde mon corps, mon âme décale. J'ai mal. J'ai mal pour ma famille, mal pour mes amis, maladie. J'ai mal pour mes proches, alors ces dernières larmes, j'en délie. Tant pis pour tous mes proches, j'ai la haine pour mes proches. J'ai terminé mon trajet, putain, pour la rage. Je me suis mangé 8 balles, j'entends encore les balles qui crient. La live dans la street. Trop jeune pour dead, mais c'est ainsi, c'était écrit. Cette live qui vient de la street. Ouh, on a retrouvé les PD qui vous ont braqué, toi et Harold. On sait très bien où ils traînent. T'es partant pour un 187? J'suis chaud pour un 8-7, avec 2-3-5-7. C'est ça la rage de la street. J'tire dans le tas, même c'est un 7, parce que moi j'reste sur 7. Qui vient de la street. Tu sais, j'ai rien à foutre, même si je crève aujourd'hui. Mon pote canne et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Cali, fort que le monde ses ennuis. Ses coups de grâce, ses fusils. Ah bon, j'savais pas qu'ils avaient des couilles mes ennemis. Les mains en l'air, c'est un hold up à tout négro qui veut tête. J'me sens chaud, qu'est-ce qu'il y a? Vengeance m'a pris au survie. Tu sais, quel grand jour pour mourir aujourd'hui. Ma tête en braille, j'vois plus rien. J'arrache le cœur de mes ennemis. J'ai la rage, mon frère, cette rage qu'anime mon fusil. Et j'me sens terroriste, endoctriné par les lats de la rue. Comme si c'était la défense où c'était trop dingue dans le quartier. On savait jamais ce qui pouvait arriver, ni quand. Après avoir défoncé la gueule du cousin d'Iléna, je me doutais qu'un jour il voudrait me le faire payer. Mais putain, je m'attendais pas à un retour aussi explosif. Comme je disais, il y a des fois où c'était dingue dans le quartier. On savait jamais ce qui pouvait arriver, ni quand. J'en avais trop fait pour faire machine arrière. Et j'en avais trop fait pour continuer comme ça. Faut croire que les événements gagnent toujours le pas sur vous. Un jour, mon grand-père m'a demandé si je tenais à vivre. Oui, j'y tiens. Mais maintenant, il est trop tard.